Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une exposition musée du Quai Branly à Paris. Ex-Africa, présence africaine dans l'art d'aujourd'hui. Présence, en tout cas, pas celle des visiteurs. Ah, vivement que les musées puissent de nouveau ouvrir. Le vernissage se fera sur la chaîne Culture Box. Donc on peut y assister. Ce sera le 21 février. Et c'est aujourd'hui, déjà, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mais qu'est-ce que le primitivisme ? Ah, il y a un peu de primitif dans ce nom. Henri Clouzot et André Level publient en 1919 « L'art nègre et l'art océanien ». Et dans l'avant-propos, nous lisons « L'art des peuplades sauvages n'a guère relevé pendant longtemps que de l'ethnographie, pour laquelle il était un accident en marge de la religion et des mœurs ». Oui, il ajoute « Peut-on faire grief aux explorateurs de ne pas se montrer toujours d'artisans collectionneurs alors qu'ils sont, avec tant d'autres qualités, des diplomates, des militaires ? Ils sont très forts en économie aussi. » Oui, dans l'avant-propos de cet ouvrage sur l'art nègre en 1919, Clouzot écrit que c'est une branche de connaissances tardive, datant à peine de quelques dizaines d'années. Mais depuis, les années sont passées, un siècle. Art nègre, art tribal, art primitif, où en sommes-nous avec le primitivisme ? Philippe Dagen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez Primitivisme, une guerre moderne. J'aime beaucoup parce que c'est Primitivisme 2. C'était quoi le 1 ? Une invention moderne. Une invention moderne, c'est-à-dire qu'il y a un décalage maintenant chronologique et nous nous situons au début du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en fait. Absolument. Dans cet ouvrage, vous nous faites voyager, Philippe Dagen, avec une réflexion qui est très pertinente sur ce primitivisme. Écoutez, c'est la magie de la radio. Je vous propose, puisqu'on peut se déplacer comme ça grâce au son, de vous conduire à New York. Partons à New York tout de suite. Nous sommes dans une rue de New York. Nous sommes en 1984, Philippe Dagen. Et là, je vous demande, mais dites donc, il n'y aurait pas quelque chose à voir, une petite exposition? Qu'est-ce que vous allez pouvoir me conseiller? Vous conseillez, je ne sais pas. Je vous aurais envoyé sûrement, oui, au Musée d'Art Moderne, au MoMA, pour voir une exposition qui est un élément important dans les sujets qui m'ont préoccupé, qui s'appelait Primitivism, sur les affinités, c'était le terme qu'ils avaient employé, entre l'art moderne et l'art tribal. Alors déjà, même en 1984, parler d'art tribal, c'était assez... discutable, mettons. Et il s'agissait de montrer, et c'est devenu un petit peu canonique par la suite, les supposées influences, pour prendre un terme extrêmement médiocre, entre ce que les historiens de l'art américain continuaient à appeler de l'art primitif, c'est-à-dire africain, océanien et amérindien, essentiellement, et les avant-gardes. Occidentales, bien sûr, depuis Gauguin, jusque, grosso modo, à l'expressionnisme abstrait, mettons, Pollock, Newman, puisque l'exposition n'allait guère au-delà. Et elle reposait sur un système visuel qui était très efficace et très simple, et peut-être trop simple, qui consistait à réunir dans les mêmes salles des œuvres issues de ces cultures, et des peintures ou des sculptures qui étaient donc, dans leur immense majorité, cubistes, surréalistes. C'était essentiellement là le cœur du problème. Et justement, nous en profitons de ce déplacement vers le MoMA en 1984 à New York, pour rappeler, Philippe Dagen, que vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes critique d'art au journal Le Monde aussi. Et puis, dans cette réflexion que vous apportez sur le primitivisme, il y a juste ce souci de définition. En 1984, justement, à New York, pour cette exposition qui a ce titre de primitivisme, traduit en français, donc, quelle définition pouvait-on donner à ce moment-là? Je pourrais vous répondre qu'on n'en donnait aucune. C'était d'ailleurs peut-être un peu le problème. Il semblait acquis que ce terme devait permettre de qualifier ces peuples. Ce qui n'était que reprendre le vocabulaire, et évidemment tout ce qu'il y a derrière un vocabulaire, qui avait servi depuis la fin du XIXe siècle. Puisque c'est la période au cours de laquelle l'anthropologie, l'ethnologie constitue progressivement une notion que l'on appelle primitif. Et cela appelait au moins deux réflexions critiques. La plus évidente était que il était tout de même assez sensible que ce terme était péjoratif et que l'on pouvait peut-être s'interroger sur le passif et le passé de ce péjoratif, mais dans l'exposition, la question coloniale était à peu près complètement absente. Et d'autre part, autre objection, cette notion, quand on regarde, en fait, dans les livres principalement, la manière dont elle s'est constituée à la fin du XIXe siècle, elle n'inclut pas que les populations africaines, océaniennes ou amérindiennes. En fait, le primitif de 1880, si vous voulez, le primitif de la période entre Gauguin et Kandinsky, grosso modo, ce sont ces peuples que l'on appelle de manière tout aussi péjorative des sauvages, parce qu'il y a tout ce vocabulaire-là qui est toujours constamment actif. Il y a les préhistoriques, puisqu'ils sont soi-disant en amont de l'histoire. Il y a les aliénés, les fous. On commence à s'intéresser à ce moment-là aux productions graphiques et textuelles issues des asiles. Et ce sont les enfants, principalement. L'énumération n'est pas complète parce que j'oublie ce qu'on a appelé plus tard, de manière là encore d'ailleurs très discutable, l'art populaire. Donc, en somme, ce sont toutes les créations qui sont extérieures à la définition, j'allais dire presque professionnelle, de l'art, telle qu'elle s'est progressivement sédimentée depuis la période classique, et qui, à la fin du XIXe siècle, est transmise par l'enseignement des écoles des beaux-arts, et qui est tenue, chapeautée, par le système des salons, des académies, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui ne relève pas de ce système-là est considéré comme autre, mais on ne dit pas autre, on dit primitif, et par primitif, on entend évidemment inférieur, et là, il y a une kyrielle d'autres adjectifs, par exemple, puisque j'imagine qu'on va en parler, l'Afrique, l'Afrique est grossière, l'Afrique est caricaturale, l'Afrique est obscène, et ainsi de suite. Et avec, évidemment, vous parlez de l'Afrique, Philippe Dagen, il y a l'art nègre. Dans ce vocabulaire-là, le mot nègre est un mot qui est utilisé. Comment se construit, et vous en parlez dans primitivisme, l'histoire même du mot, de l'expression art nègre? Alors, l'expression art nègre intervient un petit peu plus tard, en fait. On n'emploie pas art nègre dans les années 1890. On l'emploie même pas. En fait, le mot commence à apparaître peu avant la Première Guerre mondiale, dans un milieu qui est essentiellement francophone ou anglophone, c'est nigger, negro ou nègre, et nègre en Allemagne. Et le terme ne prend sa pleine ampleur qu'après la Première Guerre mondiale, où alors là, en effet, il devient d'un usage totalement commun, mais pas seulement dans les questions d'art. C'est-à-dire que vous avez des livres qui s'intitulent « Les nègres », tout simplement, et par « les nègres », il faut entendre les populations placées sous le régime colonial, qu'ils soient français, britanniques, belges, peu importe, ce sont les nègres. Avec d'ailleurs une autre confusion encore, mais enfin, c'est... Il y en a tant que les populations océaniennes, parce que elles sont de couleur, de leur peau est souvent sombre, sont aussi quelquefois incluses dans cette catégorie, alors que je crois que n'importe qui peut aisément comprendre que elles n'ont en réalité culturellement, géographiquement, religieusement rien en commun. Ouais, rien en commun, mais rien en commun, mais simplement une sorte de pour reprendre un terme là encore de l'époque, la mélanophilie, c'est-à-dire l'amour de ce qui est noir, quand même un critère assez vague, permet d'emporter dans le même panier le Bieri Fang du Gabon et la statue de Nouvelle-Guinée. Oui, parce que c'est sûr que dans l'histoire de l'art du passé, mais encore aujourd'hui, il y a besoin de, pour clarifier l'esprit d'étiquette, de, et puis Art Nègre se met en place. Alors, je parle des historiens d'art ou en tout cas de ceux qui s'intéressent à l'art, mais on pourrait aussi parler des vendeurs, tout simplement des vendeurs d'art. Monsieur Raton est l'expert le plus connu à Paris en matière d'art africain. Monsieur Raton, je voudrais vous poser cette question. À partir de quand un objet effectivement sculpté par un sculpteur africain est-il considéré comme valable? Il est considéré comme valable lorsqu'il est fait dans un but rituel, désintéressé et rituel. Cela veut dire qu'il y a des sculptures qui ont été conçues dans un but intéressé. À l'heure actuelle, on fait des quantités de sculptures dans toute l'Afrique qui sont vendues aux voyageurs, aux touristes, comme étant des pièces anciennes, et qui ne sont que le produit d'un commerce. C'est-à-dire qu'ils sont des copies? Qui sont de vagues copies, même pas des copies. C'est-à-dire vaguement inspirées de la tradition? Vaguement inspirées de la tradition. Mais le sculpteur... Et qui sont faites avec des outils qui coupent très bien, et par des gens qui sont allés à l'école, et qui n'ont plus du tout la mentalité de ceux qui ont sculpté dans un but rituel. C'est-à-dire, c'est un phénomène de foi. Il faut d'abord que l'artiste ait la foi. Je crois que toutes les œuvres d'art sont le produit d'une foi. C'est Charles Raton qui s'exprimait en 1964 pour dire ce qu'est une œuvre d'art nègre. Philippe Dagen, il faut rappeler l'importance de ce personnage de Charles Raton dans l'histoire même de l'art, tout simplement. Il vend des œuvres d'art. Alors, oui, Raton, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, historiquement, je veux dire, et ses archives. Et l'extrait que vous venez de diffuser est merveilleusement représentatif du personnage. Je permettrais de faire remarquer qu'il l'est d'autant plus que ce que Raton dit là dans les années 60, je n'ai pas le souvenir qu'il l'ait beaucoup dit auparavant, alors que le phénomène de production à des fins mercantiles est en réalité attesté au plus tard dans les années 20 et en réalité présent probablement dès le début du XXe siècle. C'est un personnage qui a été central internationalement dans la mesure où il a su, par son talent à la fois commercial et social, on dirait aujourd'hui que c'est un homme de réseau, il a su développer son commerce aussi bien aux États-Unis que partout partout où il y avait des collectionneurs en imposant la figure qui est très présente aussi dans cet extrait d'ailleurs du marchand expert. C'est-à-dire que ce n'était pas... Il en existe. Et d'ailleurs, on pourrait faire remarquer que souvent les marchands ont joué dans la connaissance un rôle très évident, quelquefois supérieur à celui des ethnologues. Mais Raton était en effet celui auquel on venait présenter des objets. La légende veut que c'était à son lever, donc à peu près à l'heure où nous sommes, que on venait tous ceux qui avaient des choses à vendre venaient lui présenter sur des plateaux des objets. Et que il disait ça oui, ça non, je ne le sens pas, et ainsi de suite. Et en effet, le critère, alors moi je serais un petit peu réticent par rapport au mot de foi qu'il emploie, mais le critère qu'il mettait en œuvre, et malgré tout avec une vraie pertinence, c'était de savoir si l'objet qu'on lui présentait avait été réalisé à des fins de commerce ou s'il avait été là où mon désaccord est plus grand avec lui, pris dans des conditions où cet objet, en effet, alors relevait d'une foi, relevait d'un système social, politique, religieux, de construction de la société, d'une société. Bon, car le mot foi, surtout en Occident, peut se prêter à beaucoup de malentendus. Quand ces objets étaient au sens de Raton authentiques, cela signifiait aussi, dans un nombre très considérable de cas, qu'ils avaient été spoliés. Car, et ça aussi, on le sait très bien, ne serait-ce qu'à travers les récits des voyageurs, dès, mettons, au plus tard, les années 20, raconte un voyageur ou une voyageuse. Je pense à une écrivaine française qui a raconté ça vers 1921-1922. Est en Afrique, donc dans les colonies françaises, et que une statue, mettons, la séduit. Alors il y a tout le rapport financier, administratif. L'Africain est évidemment en position subalterne vis-à-vis d'elle. L'objet a encore à cette date-là un caractère, enfin cette valeur pour le village, mettons, on va refuser de le lui céder, et ce qui est pire, c'est que dans ce cas-là, elle va réussir à convaincre un forgeron, généralement c'est les forgerons, la caste des forgerons qui se charge de ce travail, de tailler une sculpture bis, que nuitamment l'on va placer là où se trouve la statue, entre guillemets, authentique, afin qu'elle puisse l'emporter. Donc, on a des systèmes de substitution qui sont évidemment assez malhonnêtes, dont le fonctionnement est très bien connu. Oui, Michel Léris raconte ça très bien dans ses voyages, comment quand on refuse de vendre une œuvre, hélas, certains l'apprennent. J'ai la plus grande admiration pour Michel Léris. Enfin, quand Léris raconte comment, avec Griol, il vante dans une case à Boli, et qu'il l'emporte sous la menace d'un couteau, voilà, il y a un vrai questionnement. C'est un vol, quoi. Et une fois que l'œuvre arrive en Europe, Philippe Dagen, nous avons parlé de Charles Ratton dans sa galerie, il y a aussi transformation même de l'œuvre. C'est intéressant parce que on a commencé cette émission en évoquant la grande exposition à New York en 1984 qui met en relation ses œuvres primitive, je reprends ce mot, oui. Le titre de l'exposition. Oh ben, c'est obligé, malheureusement. Et puis, des œuvres de Picasso et d'autres peintres et de Gauguin. Mais les œuvres qui nous viennent, je parle d'Afrique, nous pourrions parler d'Océanie, sont elles-mêmes transformées, elles sont patinées. Il y a une idéalisation de ces œuvres-là. Il y a une idéalisation, il y a des aménagements, il y a des suppressions. On sait très bien que de nombreuses statues ont été, si j'ose dire, déshabillées de beaucoup de parements qui pouvaient être de plumes, de tissus, afin de garder la forme nue. Et là encore, vous voyez comment les stéréotypes fonctionnent. Une statue africaine, particulièrement si elle représente un corps féminin, d'ailleurs, doit nécessairement, pour la délectation, entre guillemets, du collectionneur occidental, être nue. Parce que comme on sait, naturellement, les femmes africaines vont nues en toutes circonstances et sont toujours prêtes au sexe. Puisque ça fait ça aussi partie des stéréotypes que la littérature coloniale et la propagande coloniale entretiennent régulièrement. Certains, y compris des critiques, je pense à des gens qui font plutôt bonne figure par ailleurs dans l'histoire de l'art, comme André Salmon, n'hésitent pas à écrire que ces suppressions et ces aménagements sont légitimes. Parce que, en effet, on révélerait ainsi la qualité plastique de la sculpture, pour ainsi dire, aux dépens même de celui ou de ceux qui avaient créé l'œuvre. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que ça revient à dire ? Ben que, évidemment, l'Européen est seul habilité à savoir ce qui est le beau, alors que le malheureux, entre guillemets, sculpteur africain, lui, a des conceptions très, très rudimentaires. Et donc, on va lui apprendre, en somme. On va lui apprendre, en somme. Et d'ailleurs, les liens sont coupés entre l'artiste lui-même, celui qui fabrique l'œuvre, et puis là où ça arrive, c'est vrai qu'on n'a plus les noms d'artistes, parce qu'il n'y a pas une recherche, une volonté de recherche de noms d'artistes. Mais Philippe Dagen, effectivement, ce regard que vous nous expliquiez, qui est né d'une propagande, un colonial bien sûr, nous le retrouvons à la télévision. Cameroun, Mbam. Là vit une population de 25 000 habitants, les Bamoum. Scène de rue, scène de marché et scène de coiffeur, car là-bas, les cheveux aussi poussent. Puisque nous en étions à la tête, commençons par l'esprit. Celui des Bamoum est dans un musée. Ses portes, incrustées de bronze sur ébène, retracent des scènes de l'histoire nationale. La canne joue là-bas un rôle important. On retrouve dans les sculptures qui l'ornent des animaux totems, lions, lézards, araignées, grenouilles. Pour ce faire, on soumet le bambou au feu de certaines herbes qui font disparaître la couleur verte de l'écorce et noircissent les dessins qui apparaissent en relief. Ces coquillages sont des coris, la calebasse à vin de palme est parfaite pour le whisky et le pastis. Voilà, Voyage sans passeport, émission de 1958, émission absolument incroyable au sens où elle est un concentré de commentaires. Ce sont des images prises sans doute de cinéastes qui partent. Et puis, il y a un commentaire écrit ici. Philippe Dagen, ça va? Vous t'es oui, non, c'est assez accablant quand même. Hein. C'est terrible. Eh bien, ce regard est intéressant parce que, et vous le notez dans Primitivisme, une guerre moderne, hein, publié chez Gallimard, il y a ce contraste, en fait, entre l'évidence de cet art, l'intérêt des artistes, des vendeurs aussi, pour toutes ces œuvres, et le racisme ambiant. Alors, c'est une vraie difficulté. Parce que, puisqu'on parlait tout à l'heure d'art nègre, le récit habituel, qui est un peu quand même fleuri, mettons, consistant à dire... Ah, c'est quand même formidable, il y a des artistes et des poètes qui, les premiers, ont perçu les qualités artistiques de ces peuples que l'on croyait tellement sauvages. Ce discours-là a en effet existé, mais il est concomitant, il est même adossé, il est même à certains égards dépendant du discours colonial. Et vous avez cité en commençant Clouzot et Level. Clouzot et Level, il faut bien admettre que Clouzot et Level, mais on pourrait dire la même chose de Paul Guillaume, et même à certains égards de Charles Ratton, qu'on citait tout à l'heure, sont à la fois des hommes qui ont joué un rôle dont on peut leur avoir une certaine reconnaissance dans la mesure où ils ont largement contribué à la connaissance de ces formes, mais que, par ailleurs, ce sont des hommes qui étaient profondément engagés dans un système colonial qu'ils ne remettaient en aucun cas en cause, et dont ils ont tiré parti à la fois matériellement et techniquement, et qui même est devenu une sorte de... Enfin, une sorte de confusion qui s'établit à un certain moment où l'art nègre, entre guillemets, devient un motif supplémentaire d'engager la France dans une politique coloniale. C'est-à-dire que Clouzot et Level vont jusqu'à écrire qu'au fond, c'est quand même dommage que les possessions coloniales de la France en Océanie soient un peu restreintes, parce que si elles s'étaient étendues, mettons, à la Nouvelle-Irlande, à la Nouvelle-Guinée, on aurait eu des collections océaniennes bien bien meilleures que celles que l'on a. C'est-à-dire que les deux choses sont indissociables. Et ce qui est pertinent hein, dans Primitivisme, Philippe Dagen, c'est que vous resituez sans cesse le contexte de la création d'un discours, d'une œuvre également, et à un moment, quand on parle d'art et puis de toutes ces questions-là de colonie, eh bien arrive cette phrase de Picasso, l'art nègre, connaît pas. Oui, mais cette phrase de Picasso, qui est amusante en soi, parce que l'on sait l'intérêt de Picasso pour toutes ses œuvres, en fait, peut être lu, et c'est ce que vous faites différemment dans le contexte. On est en 1920 quand Picasso dit ça. Et Picasso est en train de se dégager d'un récit, ce qu'on appellerait aujourd'hui en histoire de l'art, un récit autorisé, dans lequel il se sentirait captif, et qui, au fond, le réduirait au rôle d'introducteur d'une mode, cette fameuse mode nègre, dont, d'une part, je pense qu'en effet, en 1920 ou en 1930, elle ne lui est plus à ce point chère, même s'il a continué à collectionner, mais qui, surtout, au fond, réduirait son exceptionnalité. Oui, c'est ça. C'est oui. Ça qui est drôlement intéressant, c'est de voir ce jeu, en fait, qui se met en place, qui se construit sur cet art qui est défendu, enfin, certains le défendent, ce jeu entre histoire de l'art et ethnographie, et je vois, parce que je sais que Gallimard ne fait pas de coquilles sur ses couvertures de livres, primitivisme avec un S. Oui. Et c'est là où cette question devient beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus intéressante. Philippe Dagen, pourquoi ce S à primitivisme? C'est ce que vous expliquez, c'est la préhistoire? C'est parce que c'est principalement dans cette période-là, parce que les surréalistes accomplissent un travail vraiment considérable de réécriture de la connaissance. Ce qu'on peut même pas appeler l'histoire de l'art, parce que c'est bien au-delà de cela. C'est-à-dire que les surréalistes, qui sont les seuls à manifester leur opposition à l'idéologie coloniale dans cette période-là, se dégagent très brutalement, comme souvent, de cette mode nègre tourne à l'officialité et à devenir une sorte d'art, presque d'académisme africain de la Troisième République, et vont donc tourner leur regard vers d'autres cultures, océaniennes, amérindiennes, ou même en effet de la préhistoire, ou des époques dites barbares, tout cela pour essayer de faire tomber l'édifice qu'on ne peut pas appeler autrement que classique, si vous voulez, le goût classique, le goût gréco-romain, si fort dans l'enseignement, dans les lettres françaises de cette période-là, où, vous savez, c'est là. Évidemment, Thierry Monnier n'est pas un auteur dont on aimerait à se réclamer à leur gaffe. C'est la Grèce où nous sommes nés. Ben non, non, on n'est pas nés en Grèce. Et donc, toute cette mythologie-là, qui a été largement véhiculée et qui, dans certains pays, s'est trouvée plus que compromise dans ses rapports avec le totalitarisme, c'est ce que les surréalistes mettent en cause en essayant de proposer un monde de référence artistique, culturelle, complètement différent. Et donc, si j'ai utiliser le terme de guerre, c'est parce qu'il y a une guerre culturelle, une guerre dans l'écriture de l'histoire des civilisations, et qu'elle me semble de surcroît indissociable d'une guerre politique. Parce qu'on n'est pas simultanément anticolonialiste et trotskiste, mettons, pour penser au cas d'André Breton, et en même temps manifestant ses curiosités culturelles si variées. Il y a un moment où tout, si vous voulez, se cristallise et où on mesure dans les années 20, dans les années 30, ce qui était déjà au demeurant présent dans les années 1900-1910, mais qui était évidemment moins flagrant et qui ne se trouvait exprimé que par une plus petite minorité, c'est que ces primitivismes qui, au fond, appellent à considérer comme des interlocuteurs, au plein sens du terme, des peuples, ou les supposés fous, au même titre que les supposés civilisés et les supposés rationnels, c'est évidemment une revendication qui est inséparable du point de vue politique. Oui, parce que c'est le sous-titre de votre ouvrage, hein, Philippe Dagen, « Une guerre moderne ». Peut-on dire, si on reprend le cas des surréalistes par exemple, que face à l'horreur qu'a été la Première Guerre mondiale, ils remettent en cause la vision absolue de la société avec ce goût de la Grèce, et dès lors, il faut chercher d'autres voies pour montrer que cet absolu idéalisé peut conduire à l'horreur. On peut dire cela, on peut dire aussi que les discours de propagande, en particulier les discours de propagande nationaliste en France, ont fait un très fort usage de la revendication, je veux dire, méditerranéenne, gréco-romaine pour aller vite, et que l'affrontement se porte en effet sur ce terrain-là. Dans les années 20, il est difficile de dissocier le goût de l'antiquité romaine du discours fasciste, qui architecturalement, artistiquement et politiquement se réclame de l'Empire romain, sans même aller jusqu'en 1933 et à ce qui se passe ensuite dans l'architecture ou les arts de la période nazie, où la référence grecque, alors évidemment grecque avec plein de guillemets, parce que Praxitèle et Sophocle ne sont pas coupables des usages qui ont pu en être faits dans le Troisième Reich, mais où cette Grèce totalement transformée, épurée, racialisée, évidemment, serait le modèle de la civilisation. Et de ce point de vue-là, ce qui se joue en 1937, quand donc au moment de l'exposition, la première version de l'exposition de l'art dégénéré à Munich, où d'une part le régime nazi fait construire la Haus der Kunst, qui est une sorte de temple sur le modèle du Parthénon pour l'art civilisé, donc germanique, et proscrit l'art dégénéré face à lui. Et quand vous vous reportez, ce qui n'est pas une expérience tellement enthousiasmante, au fascicule qui a servi, qui était supposé servir de guide aux visiteurs d'exposition de l'Intertote Kunst, vous vous rendez compte que la référence au nègre, voilà, vraiment tout à fait péjorative, au fou, à l'enfant, au débile, est systématiquement employée et évidemment de manière péjorative, insultante. De ce point de vue-là, le discours esthétique, si l'on peut dire, nazi, désigne, fait du primitif, la catégorie ennemie par excellence. Le primitif, donc, au sens large, hein, vous l'avez naturellement, cité, naturellement. Il y a l'Africain, l'Océanien, il y a le fou. Attention, vous êtes prêts? Nous allons en finir avec le jugement de Dieu. Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce singe. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela ? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes fou, mais faut aller. Antonin Artaud, en 1947, pour en finir avec le jugement de Dieu, donc une création radiophonique hallucinante. Antonin Artaud, la folie. Antonin Artaud, qui est vraiment quelqu'un né à la toute fin du 19e siècle, donc qui a grandi, qui a construit tout son univers dans les années qui nous intéressent, hein, là où ce qu'on appelait l'art nègre était une forme, saisie par l'avant-garde, mais oublié de son contexte colonial. Philippe Dagen, quand nous entendons Antonin Artaud, là aussi, on est dans cette guerre, la folie, qui pose problème. Alors, dans le cas d'Artaud, on est d'autant plus au cœur du sujet que ce qu'on a quelquefois un peu tendance à oublier, c'est, même si on n'oublie pas Artaud, grâce au ciel, si j'ose dire, c'est le rôle qu'il a joué. Et si le livre s'achève, grosso modo, avec Antonin Artaud, la conclusion exclue, c'est parce que il a été, dans les années 30, l'un des grands poètes, évidemment, de cette notion de primitif, qu'il retourne contre la civilisation occidentale, et qu'il est aussi autant, et peut-être à certains égards plus encore que Michel Leiris, parce que quand Michel Leiris se rend en Afrique, ce qui a donné ce livre par ailleurs admirable, qu'est l'Afrique fantôme, il est quand même cadré dans un système de l'ethnographie française qui est assez contraignant, alors que quand Artaud se rend au Mexique pour y faire soi-disant des conférences qu'il fait au demeurant réellement. Il explique très clairement à ses interlocuteurs mexicains, qui sont évidemment un peu hébétés par ce discours, que le Mexique, ce serait au fond le dernier refuge des hommes et des femmes, qui n'ont pas capitulé et qui ne sont pas devenus d'honorables esclaves de la société industrielle moderne. Et donc il y a ce voyage chez Tarahumaras, l'une des dernières populations indiennes qui avait été non pas préservée, puisqu'elle était déjà en grande partie acculturée, mais que les montagnes protégeaient un tant soit peu, en tout cas, du tourisme, où il rencontre les prêtres qui lui disent qu'en effet, leur culte est en train de s'effondrer, mais que il y a cette dernière vision d'un sacrifice animal et de ces hommes, de ces femmes qui, au soleil couchant, descendent de la montagne avec leur lance, avec les signes de la religion, et Artaud, voyant cette sorte de procession, a le sentiment que brièvement, peut-être à l'espace de quelques instants, il a retouché un état, mettons, primitif de l'homme, qui est évidemment devenu inaccessible par le fait même de l'histoire. Et je me permets d'ajouter que si les lecteurs français trouvent cela chez Antonin Artaud, ils ne doivent pas oublier qu'il y a un auteur britannique que l'on a, à mon sens, insuffisamment réinscrit dans cette histoire-là, qui est D.H. Lawrence, qui, dans Le Serpent, enfin, ce qu'on appelle, ce qu'on traduit en français par Le Serpent à plumes, et dans, grosso modo, la plupart de ses écrits mexicains, a, quelques années avant Artaud, déjà travaillé dans cette direction et imaginer, car c'est tout à fait imaginaire en fait, une sorte de Mexique miraculeusement préservé, où les derniers hommes, au sens où Artaud en plein terme, dans, pour finir avant le jugement de Dieu, où les derniers hommes vrais vivraient encore. Eh bien, écoutez, Philippe Dagen, Artaud primitif, c'est pas tant vous qui le dites, c'est lui qui le dit. Hein. Je suis ce primitif mécontent de l'horreur inexpiable des choses. Hein. C'est ce que vous mettez en exergue de votre ouvrage primitif. Et justement, il y a un lien à faire et qui est fait sans cesse. Nous avons commencé avec l'exposition de 1984 à New York, qui met en relation ce qu'on appelait les arts primitifs avec des œuvres contemporaines. C'est le cas aujourd'hui pour une exposition dont vous êtes le commissaire au Quai Branly, Ex-Africa, cette réflexion sur la présence africaine dans l'art d'aujourd'hui. Mais nous sommes plus en 1984. Qu'est-ce qui a changé dans la démarche même de réfléchir sur cette présence? En l'occurrence, là, c'est africain. Ce qui a changé, ce qui est en train de changer, ce qui n'est pas encore assez changé. Ce qui a changé, c'est tout simplement, du point de vue, à mon sens, principal, c'est-à-dire de celui des artistes, le fait que cette histoire, non seulement est connue d'eux, et qu'ils la regardent avec beaucoup de distance et éventuellement beaucoup de raillerie, que ce dont on parlait tout à l'heure, la mode nègre, qui n'a pas complètement disparu. Ils lui font la peau avec des œuvres qui sont souvent très très violemment parodiques, mais que dans un deuxième temps, on voit aussi à quel point ces formes, alors désormais séculaires, puisque au fond datant pour les plus récentes d'entre elles de la fin du 19e ou du tout début du 20e siècle, que sont les statues, ce que évidemment tout bon colonial appelait les fétiches, puisque c'est beaucoup plus péjoratif, et les masques sont en train, chez certains artistes, de redevenir, pour les unes, des corps capables de mouvement, capables d'émotion, et pour les masques, des visages capables d'expression, capables de sentiments. Au fond, les masques retrouvent leur regard et les statues retrouvent leur mouvement. Et cela, j'ai essayé de le montrer en réunissant des artistes qui, pour certains, sont africains, d'autres ne le sont pas, ou qui sont des afro-descendants installés soit aux États-Unis, soit en Europe. Je vais pas faire une... Si j'en cite quelques-uns, évidemment, il va y avoir le sentiment que les autres ne sont pas cités. Non, je vous interromperai au milieu de comme ça, ce sera de ma faute. D'accord, merci. Mais on va dans l'exposition des derniers primitivistes au sens relativement classique du terme, que j'ai essayé de singulariser à travers la figure du peintre allemand qui se disait d'ailleurs lui-même néo-expressionniste punk, auquel j'oppose les tableaux de Cherry Samba qui demandent de suite à Picasso et au musée d'art moderne, mais qu'est-ce qu'avez-vous fait de nos œuvres et de quel droit vous emparez d'elles? Vous savez, il y a dans l'exposition un tableau dans lequel Cherry Samba a mis ses inscriptions, comme il le fait souvent, et la dernière question c'est, mais le musée d'art moderne n'est-il pas raciste? Bon. Donc on part de là et on va aboutir à des grandes installations de Myriam Hindou, de Romuald Azoumé, de Pascal Martin Taillou, de Kader Attia, qui pose, ce qui me semblait évidemment tout à fait nécessaire, la question de la spoliation et donc de la restitution, parce que je crois qu'on peut évidemment pas l'éviter, et on passe par Sarkis, Annette Messager, Jean-Michel Alberola, bon, voilà. Ah oui, voyage dans le monde entier, vous avez cité Chéri Samba, bah donc là nous sommes en République démocratique du Congo. Avec Arto, tout à l'heure, nous étions au Mexique, vous nous avez fait voyager, Philippe Dagen, jusqu'au Mexique. Je vous propose de rester en Amérique latine. Vous allez voir, c'est un artiste qui est interviewé, et l'intervieweur, ce n'est pas personne, c'est quelqu'un. C'est Alejo Carpentier. Il n'y a pas très longtemps, nous étions ensemble, toi et moi, il y a quelques mois à La Havane, et à ce moment-là, Fidel Castro a exprimé le désir que tu peignes une grande toile qui devrait se trouver placée dans un grand salon du palais présidentiel. Exactement, oui. Ce tableau, je me rappelle très bien que le moment que je l'ai réalisé à La Havane, il y avait aussi un climat d'un grand enthousiasme. Alors il s'était fait dans ce climat, dans tout ce transfert poétique de figuration que peut donner un langage à partir de la plastique et la poésie, à les drames que se passent aujourd'hui. Il a pris des consciences de l'Amérique latine comme l'Afrique en cette expansion universelle. Pour nous autres qui sommes nés aux Caraïbes et qui vivons aux Caraïbes, il n'y a pas un élément dans la peinture de Wilfredo Lam qui soit hermétique dans le sens incompréhensible. C'est-à-dire toujours, nous retrouvons dans tous les tableaux de Wilfredo Lam certains éléments, certains masques, certaines figurations, certaines choses qui appartiennent à tout un monde qui nous a entourés. C'est un monde universel. Un monde universel, dit Alejo Carpentier, donc grand écrivain des Caraïbes. Là, nous étions à Cuba. Alejo Carpentier qui interviewe Wilfredo Lam. Dites-nous, Philippe Dagen, qui est cet artiste ? C'est un cas très complexe, Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, c'est un artiste qui est né à Cuba, en effet, d'un père... Alors, je suis obligé d'entrer dans la biographie parce qu'elle a été souvent l'objet de surinterprétations. D'un père chinois qui jouait le rôle d'écrivain de quartier, grosso modo, et d'une mère qui était métisse, sa propre mère, étant Congo, et étant évidemment descendante d'esclaves. Donc, Wilfredo Lam se trouve, si vous voulez, dans cette position, dans cette conjonction assez complexe. C'est un artiste qui est arrivé à Paris au milieu des années 30 et s'est trouvé très rapidement, qui venait de Madrid, au moment de la guerre d'Espagne, et qui s'est très rapidement trouvé au contact de Picasso et de Léris et d'autres, et qui a été très vite adopté par le mouvement surréaliste, qui s'est réfugié, qui est revenu à Cuba pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et donc il a fait ce fameux voyage atlantique qui a été celui de Claude Lévi-Strauss, d'André Breton, de Pierre Mabille, bon, toute la grande émigration surréaliste qui a, pour l'essentiel, abouti à New York. Et c'est enfin un artiste qui a souvent été considéré comme, pour toutes ces raisons, une sorte de, j'allais dire, primitif par excellence. Ce qui me semble extrêmement discutable pour de toutes sortes de raisons. D'abord parce que j'ai eu l'occasion de l'écrire, c'est-à-dire parce que sa grand-mère était Congo, Wilfredo Lam serait nécessairement un peu africain. Mais son père était chinois et personne ne s'est jamais demandé ce qu'il pouvait y avoir de... Et donc là, on est quand même déjà en présence d'une petite manière de tordre les choses qui est embarrassante. Par ailleurs, c'est un homme qui a un rapport. Ce que Carpentier dit sur le fait que tous les objets sont immédiatement compréhensibles, peut-être. Mais Wilfredo Lam a un rapport au culte, au vaudou, par exemple, qui est un rapport savant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui assiste en effet à un certain nombre de cérémonies, mais il y assiste par exemple en compagnie d'André Breton, ou en compagnie du chef d'orchestre Erich Kleiber, qui était réfugié politique pendant la Seconde Guerre mondiale à Haïti. Donc, ça n'est... Essayer de faire aujourd'hui de Wilfredo Lam une sorte de primitif préservé, c'est totalement fantasmatique. Wilfredo Lam est un homme qui a un rapport extrêmement savant à ses cultures et qui, en effet, s'efforce de les réactiver. Et alors, j'ajouterai un dernier point, c'est que, là aussi, la manière dont on a perçu son œuvre a souvent en particulier aux États-Unis. Je dois le dire, vous avez dû constater qu'à plusieurs reprises dans le livre, je mets en cause un certain nombre d'interprétations. L'œuvre de Wilfrid Olam, comme d'ailleurs l'œuvre des surréalistes grosso modo, a été dépolitisée complètement par la critique américaine qui, et les conservateurs américains, qui voulaient n'y voir que de belles formes. Séduisantes, nouvelles, intrigantes, tout ce qu'on veut. Bon, le premier grand texte sur l'œuvre de Wilfrid Olam, c'est bien avant Carpentier, c'est Aimé Césaire qui l'a écrit. Et Césaire écrit à propos de l'âme qu'il faut bien se rendre compte que son œuvre, par sa seule existence, est une sorte de scandale parce que elle remet en cause le fonctionnement colonial des Caraïbes. Et il faut pas s'étonner ensuite, alors, quoi que l'on ait pu penser du régime cubain plus tard, que Wilfrid Olam en ait été un défenseur. Dites-nous, Philippe Dagen, dans ces parcours que vous nous racontez, c'est le cas avec Wilfrid Olam, mais il y en a tant d'autres, nous sentons ce foisonnement autour du primitivisme au sens où ces mouvements même ont critiqué le monde, ça a été utilisé pour critiquer une forme de société, et puis c'est devenu même un enjeu de combat, mais ce sont les deux volumes que vous publiez, un primitivisme, une invention moderne, et puis là, primitivisme 2, une guerre moderne. Nous sentons bien que nous allons tout doucement vers le 3, parce que votre ouvrage s'arrête à la Seconde Guerre mondiale. Il y a cette question, faut-il en finir avec le primitivisme ? En finir avec le primitivisme est un sous-titre que nous avions évoqué avec toute l'équipe à laquelle j'ai travaillé au musée du Quai Branly pour l'exposition. Et l'exposition, c'est Pour Ex-Africa. Ex-Africa, pour Ex-Africa. Voilà. Écoutez, je ne sais pas, troisième volume, vous n'êtes pas le seul à m'en avoir parlé, j'en sais rien, c'est tout de même des questions, pardon de dire cette banalité, mais assez complexes, sur lesquelles on ne peut pas s'engager sans avoir vraiment un certain degré de précision. Je crois que beaucoup des textes que je cite dans les années 20 et dans les années 30 sont des textes qui ont été peu lus ou pas lus ou très mal lus. Certains étant d'ailleurs tout à fait répugnants à lire, mais devant l'être néanmoins. Paul Morand, par exemple. Mais je préfère laisser la question en suspens, si vous le voulez bien. Et ben moi, je termine par une dernière question, parce que le titre de cette exposition, c'est Ex Africa. Ça signifie quoi ? En fait, il y a plus derrière, mais c'est du latin. Oui, alors on peut très bien le dire. Alors, Ex Africa, à l'origine, c'est tout simplement pour signifier que ce dont cette exposition traite, c'est ce qui nous vient, enfin, ce qui vient d'Afrique, donc Ex au sens de provenant d'eux, et par ailleurs, en effet, un deuxième niveau de lecture, qui est celui auquel se situe l'un des deux auteurs du catalogue, qui est Souleymane Bachir Diagne, il se place, lui, sous le signe de Pline, qui a écrit « Ex Africa semper aliquid novi », c'est-à-dire « d'Afrique vient toujours quelque chose de nouveau ». Voilà, d'Afrique vient toujours quelque chose de nouveau et surtout des chercheurs vient toujours quelque chose de nouveau. Le primitivisme, c'est vrai, il y a beaucoup d'écrits dans l'histoire de l'art sur ces mouvements-là, mais votre regard, Philippe Dagen, permet de resituer l'ensemble dans un contexte international beaucoup plus politique, celui de la colonisation et de la décolonisation, en tout cas des combats pour la décolonisation. C'est en cela que cet ouvrage Primitivisme, une guerre moderne chez Gallimard est passionnant. Donc le 3 peut-être pas, mais moi je vous le conseille, faites-le. Merci beaucoup à vous Philippe Dagen. Il est l'heure de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, un film qui attise la polémique dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Le film n'était pas encore sorti, et pourtant il mettait déjà les Serbes et les Croates en émoi. Dara iz Jasenovka, Dara de Jasenovac en français, du réalisateur Peter Antonievitch. Dara de Jasenovac se présente dans sa bande-annonce comme un film sur les atrocités de la guerre vues par les yeux d'une enfant serbe dans ce camp de concentration avéré de Jasenovac sur le territoire croate pendant la Deuxième Guerre mondiale. Solidarité, exécution sommaire et démonstration de la force de résistance de l'esprit humain, tous les ingrédients du film concentrationnaire semblent réunis pour dénoncer le martyre des Serbes, des Juifs et des Tziganes dans les Balkans.